لأن التفرق أصبح دينا عند أكثر المسلمين. La division, ce qui est devenu la religion pour eux. C'est-à-dire, chacun voit qui suit une pensée, qui suit une doctrine, qui suit un madhhab, qui suit son grand-père, qui suit son village. D'accord ? Et dis-moi, j'ai appris comme ça, c'est comme ça que je fais. Toi, comme ça, toi, tu fais comme ça. Donc, ça, pour les gens, lorsqu'on appelle à s'unir sur une même aqida, un même menhaj, ils te prennent pour un fou. Et bien entendu, ce ménage, c'est le ménage salafi. C'est le ménage salafi. Il y a des gens, tu les appelles à des... Je tiens des discours, par exemple, qui appellent à des idéologies de ta route, comme à la démocratie. Ils écoutent. Ils écoutent sans être choqués. Tu les appelles à la salafia. Ah, on dirait que tu les as appelés à je ne sais quoi. Ah, ils deviennent fous. Ils deviennent fous. Tu n'as pas des choses qui sont du kufr à la base. Ils t'écoutent. Ils réfléchissent à ce que tu dis. Alors, demain, un imam vient pour une mosquée, pour inciter à voter pour le maire Fulani. Parce que le maire Fulani va nous donner des fonds pour notre mosquée. Il va nous aider. On aura, alhamdoulilah, un carré musulman pour enterrer nos morts. On pourra faire le Eid, comme ça, on pourra faire plein de choses. Donc, voter pour. Monsieur Bernard, il sera le maire, il va nous aider, il me l'a promis. Donc les gens, ils discutent, ils parlent. Dans la khutbah de Jumu'ah, il dit ça. Ah, dit. Personne ne réagit. Un imam salafi, il vient, il appelle au milieu salaf, le lendemain, il n'est plus imam. Lui, c'est un extrémiste, lui, c'est un radical, lui, c'est un ceci, lui, c'est un cela. On ne veut plus lui comme imam. On va avoir des problèmes à cause de lui. Tu n'as pas peur d'avoir des problèmes avec Allah Yawm al-Qiyamah pour parler de choses qui ne sont pas permises dans la religion, en plein Jumu'ah, et tu as peur d'avoir des problèmes avec le maire, parce qu'il y a un imam salafi qui vous a appelé à la vérité. Donc les... Comme on dit, les choses, les réalités sont retournées. Et comme on l'avait expliqué aussi, parmi les choses qui ont beaucoup dit, qui ont beaucoup contribué à diviser la communauté, les mazahib, surtout à l'époque de cet imam. Que pour eux, il y a des gens pour qui c'est obligatoire que tu sois sur un madhhab. Si t'es pas sur un madhhab, t'es pas normal. Il va dire, c'est quoi ton madhhab? Tu dis, moi, mon madhhab, c'est Kitab wa Sunnah, la femme salat salaire. Oui, il dit, oui, mais dans le fiqh, c'est qui ton imam? Tu dis, mon imam, c'est Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Oui, mais après, c'est qui? Tu dis, après, c'est Abu Bakr. Pardon, non, oui, mais après, c'est qui? Après, c'est Omar. Tu peux aller loin, de Sahaba, comme ça. Il dit, non, mais je veux dire, c'est Ahmed, c'est Malik, c'est Abu Hanifa, c'est Shafi'i. Tu dis, moi, c'est Kitab wa Sunnah, avec ce que je viens de t'expliquer. Et celui des quatre qui correspond à ça, je pense qu'on a sa parole. Et que je m'attribue à lui, je porte son nom? Non. J'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Bah là, ils te prennent pour un fou. T'as pas compris la religion, le fiqh, c'est obligé que t'es un madhhab, c'est obligé que tu suis un imam, sinon tu vas devenir un marginal, tu vas devenir. Je suis désolé, moi, j'adhère pas à ce genre d'idée. Ou du moins, quand j'ai l'imam, c'est trois, parce qu'Abu Hanifa, pour moi, c'est pas un sunnah. Est-ce qu'on l'a, j'ai des ulama qui m'ont dénoncé avant, les salafs qui l'ont badda, c'est un mourji. Quoi qu'il en soit, les hommes en eux-mêmes, ils sont au-dessus de ma tête, ils sont des imams. Dans la sunna, dans la religion, il n'y a pas à discuter. Ah ben vous, ceux qui sont venus derrière eux, qui ont divisé la religion entre ces quatre hommes seulement, et celui qui n'est pas sûr, le train qui ne marche pas sur les rails, eh ben c'est qu'il y a un truc qui ne va pas dans sa religion. Tu dis, ben moi je marche sur le rail du Kitab wa Sunnah. Alors maintenant, si tu parles du mazhab, tu dis, moi je marche à côté, je marche à pied. Et je suis la rail qui va vers la bonne direction. Alors, je ne suis pas un train. Si je vois qu'il y a une déviation, je pense à celle qui est bonne. Si jamais j'ai de dalil, c'est pas de dalil, on demande au ulama qu'il nous explique une mas'ala avec le dalil, et après on prend le haq. Si c'est l'imam Ahmed qui l'a dit, on prend son kalam. Si c'est l'imam Shafi'i qui l'a dit, et akada. Bien que les ulama disent que le mazhab le plus proche de la sunna, celui de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala. Celui qui a le moins de mukhalafat ou le plus de muwafaqa avec le sawab, avec la vérité, c'est le mazhab de l'imam Ahmed. Et l'imam Ahmed, imam al-sunna fi zamani. Parce qu'aujourd'hui, c'est un imam pour nous. Mais il reste un homme. Et lui-même n'a jamais appelé à ce qu'on suive aveuglément. Il n'aurait jamais agréé cela. Rahimahullah ta'ala.